qui décolle. Je sens mon cœur s'alléger, toutes mes chaînes qui s'envolent. Ma vraie vie va commencer. Les nuages sous mes pieds, le monde entier accessible. Cette sensation de liberté rend tout possible. Plus rien ne me qui disparaît, pesanteur oubliée. Dans le ciel, je me perds.